franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. James Bond, c'était peut-être lui, Dushko Popov. Un espion bien réel que l'écrivain Ian Fleming, agent secret lui-même, a croisé autrefois dans un hôtel de Lisbonne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et même dans un casino dont le décor ressemblait étrangement à celui de Casino Royal. Mais l'homme lui-même, qui était-il vraiment? Et pourquoi Fleming a emprunté certains des traits de son héros au vrai Dushko Popov? Incontestablement, le futur romancier a été frappé par l'élégance de ce séducteur qui semblait fait pour porter un smoking, et aussi peut-être, surtout, par sa désinvolture apparente alors même qu'il vivait une existence dangereuse où cet agent double pouvait à tout moment être démasqué et donc éliminé. Toutefois, il y a loin de la légende à la réalité. Par exemple, Popov, contrairement à Bond, portait rarement une arme sur lui. Et il a lui-même ironisé beaucoup plus tard, alors que la presse révélait qu'il était le modèle du héros de Ian Fleming, « Je doute qu'un James Bond réel ait pu survivre plus de 48 heures ». Pour autant, il est certain que Popov a été l'un des espions les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur X s'attache à éclaircir une période controversée de son activité. L'agent double a-t-il, oui ou non, averti les Américains et en particulier le numéro 1 du FBI, Edgar Hoover, que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor? Et si oui, pourquoi Washington n'a pas pris de mesures pour prévenir cette attaque qui a causé la mort de plus de 2000 personnes? Les Britanniques lui ont donné un curieux nom de code, tricycle. Explication. Dushko Popov formait un trio d'agents doubles avec une très jolie femme d'origine autrichienne, Gerda. Nom de code gélatine. Le nom de code, il n'est pas très flatteur. Hein. En effet. Et un certain Dicky, un ancien officier, nom de code balloon. Mais je dois dire que de mauvais esprits ont aussi prétendu que si Popov avait hérité de ce nom de code, c'est qu'il lui arrivait parfois de partager son lit avec deux créatures du sexe opposé. Ouais, on ne prête qu'aux riches, c'est bien connu. Oui, il est incontestable, il ne s'en est jamais caché, que Popov aimait tous les plaisirs de la vie, les femmes, la bonne chère, le jeu. Mais chez lui, c'était aussi une sorte de couverture. S'il avait cessé d'être ce dandy ou ce playboy, il aurait intrigué ses employeurs. Et puis, qui pouvait imaginer que ce séducteur raffiné et mondain pouvait être aussi un redoutable agent secret? Alors, vous allez me demander d'où venait ce curieux individu. Ben, si vous faites les questions maintenant... Allons. Dushko Popov, qui a grandi dans la belle ville yougoslave de Dubrovnik, l'ancienne Rakuse, est né en 1912 avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ouais, des parents riches. Et très proches de la famille royale serbe. Au milieu des années 30, le jeune Dushko, qui ne veut pas être un fils à papa, part faire ses études de droit en Allemagne. Il y obtiendra son doctorat, malgré une vie nocturne bien remplie. Détail important, à Fribourg, il se lie avec un camarade d'études, Johan Jepsen, un Allemand d'origine danoise qui va devenir son meilleur ami. Et l'Allemagne est alors nazie. Hein. Et les persécutions contre les Juifs choquent l'étudiant. Il manifeste son hostilité? À plusieurs reprises, il se livre à ce que les nazis considèrent comme des provocations. Par exemple là. Il fréquente ostensiblement un café juif. Et un jour, il finit par être arrêté par la Gestapo. Ce qui l'attend, c'est un camp de concentration. Et d'autant plus qu'il est étranger. Hein. Mais heureusement... Son ami Jepsen se démène. Le père de Popov est alerté. Il fait jouer ses relations et sur intervention personnelle de Green, Dushko est libéré et immédiatement expulsé. Oui, mais il a eu chaud. Hein. Rentré chez lui en Serbie, il ouvre un cabinet juridique spécialisé dans le commerce international. C'est alors en février 1940 qu'il reçoit un coup de téléphone qui va bouleverser sa vie. Racontez-moi. C'est son ami Jepsen qui l'appelle. Il lui demande de le rejoindre, toute affaire cessante, à Belgrade. Et dès que les deux amis se retrouvent, l'Allemand lui fait une confidence étonnante. il s'est engagé dans l'Abwehr. Ouais, ça, c'est le service de renseignement de l'armée allemande. Hein. Dirigé par l'amiral Canaris. Jepsen est devenu nazi. Un peu de patience. Son ami lui explique que tôt ou tard, les troupes du Troisième Reich vont attaquer la France, qui se croit naïvement à l'abri de sa ligne Maginot. Et dit-il, la France sera défaite. Mais pour préparer cette offensive et la suite, les services secrets allemands ont besoin d'informations sur le personnel politique de la Troisième République, et en particulier sur les politiciens qui ne seront pas hostiles à l'Allemagne. Mais que vient faire là-dedans Popov, sujet yougoslave? J'y viens. Popov, grâce à ses contacts commerciaux, bon, grâce aussi aux nombreuses relations diplomatiques de son père, peut obtenir des renseignements, d'autant qu'il est francophone. Alors, il accepte la proposition de son ami, lui qui a été autrefois arrêté par la Gestapo? Oui, oui, et il rédige un rapport très précis et assez clairvoyant, puisqu'il désigne Pierre Laval et aussi le maréchal Pétain comme étant les hommes les plus susceptibles de s'accommoder d'une victoire de Hitler. Son rapport est très apprécié par Jepsen et ses supérieurs de l'Abwehr. Mais Popov a pris soin de confectionner un double. Dans quel but alors? Mais il remet un diplomate de l'ambassade britannique. Mais ce faisant, là, il trahit son ami Jepsen. Hein? Apparemment, oui. Quel est ce mystère? Laissez-moi poursuivre. En mai et juin 40, comme Jepsen l'avait prévu, la France succombe et Pétain signe un armistice déplorable. Maintenant, Hitler regarde de l'autre côté de la Manche. Oui, il pense envahir l'Angleterre. Nom de code de l'opération Lion de mer. Johann Jepsen explique à son ami Duschko que l'Abwehr dispose déjà d'agents en Angleterre. Mais aucun d'entre eux n'a accès au cercle dirigeant. Duschko, habitué à fréquenter les plus hautes sphères et parlant un excellent anglais, pourrait sans difficulté recueillir des informations qui intéresseraient les services allemands. Bref, Jepsen propose carrément à Popov de devenir un agent allemand. Exactement. Et bientôt, Duschko est mis en contact avec le bras droit de Canaris qui le recrute. Mais, car il y a bien sûr un mais, les cartes sont truquées. Mais c'est-à-dire? C'est Jepsen lui-même qui donne la clé de cette histoire. Un jour, lors de l'une de leurs rencontres, il dit à son ami Popov, le meilleur moyen de démolir une équipe, et d'en faire partie. Il s'est donc engagé, lui, Jepsen, dans l'Abwehr pour lutter contre le régime de l'intérieur. Et Duschko l'a compris depuis longtemps. Si Jepsen a tout fait pour que son supérieur le recrute, c'est qu'il savait que son ami n'aurait rien de plus pressé que d'en informer les Anglais. Ce que Popov a déjà fait en donnant un double de son rapport à l'ambassade britannique de Belgrade. Hein. J'ajoute que l'attitude de Jepsen n'est pas très surprenante. L'Abwehr a commencé par son chef, l'amiral Canaris, comportait pas mal d'officiers anti-nazis. Canaris le paiera même de sa vie après l'attentat perpétré contre Hitler en juillet 1944. Quant à Jepsen, il sera aussi considéré par Londres comme un informateur. Pour revenir à Popov, là, s'il veut vraiment devenir un agent double, il faut qu'il entre en contact avec les services secrets britanniques. Oui, mais en attendant de se rendre à Londres, où ses chefs de l'Abwehr veulent l'envoyer, il doit subir tout un entraînement. Et apprendre son métier d'espion. Et c'est le paradoxe de cette histoire. Tout ce qui va lui être enseigné par les Allemands lui servira aussi quand il passera du côté britannique. Dans un premier temps, il se déplace donc à Lisbonne pour rencontrer son officier traitant de l'Abwehr, Ludovico von Karstorff. À noter que son métier d'homme d'affaires spécialisé dans le commerce international lui permet de voyager sans difficulté. Est-ce que ses supérieurs allemands lui font entièrement confiance? Parce que, rappelons-le quand même, autrefois il a été arrêté par la Gestapo. C'est juste, et les gens de l'Abwehr ne sont pas des naïfs. Aussi, à plusieurs reprises au cours de cette période d'entraînement où Popov apprend le béaba du parfait espion, il est testé à plusieurs reprises par un service parallèle de l'Abwehr. Il faut s'assurer de sa loyauté. Bien évidemment. Et enfin, en décembre 40, nanti d'un questionnaire sur la production d'armements et d'équipements britanniques, il est autorisé à s'envoler vers l'Angleterre. Où il va faire des offres de service. Mais là encore, il est l'objet de nouveaux tests et va subir toute une batterie d'interrogatoires. Monsieur X a évoqué la question de la loyauté de Popov par rapport à ses employeurs allemands. Dans un remarquable livre de mémoire réédité aujourd'hui par les éditions de la Rue, Popov raconte comment son ami Yebsen l'a convaincu assez plaisamment qu'il ne serait jamais soupçonné par les nazis. Extrait. Les gens, les vieux chevaux de retour de la politique, et les nazis comme tout le monde, croient ce qu'ils veulent bien croire. Ils t'ont classé parmi les fils à papa. Donc, par définition, tu n'as pas besoin de travailler. Or, tu le fais, et avec acharnement même. Donc, tu es un ambitieux. Comme l'Allemagne a toujours dominé les Balkans sur le plan économique, et qu'au surplus, elle est en train de gagner la guerre, aujourd'hui, tout ambitieux ne peut être que pro-allemand. Donc, tu es pro-allemand, et par voie de conséquence, pro-hitlérien. C'est QFD. On m'a dit que Popov a été sévèrement interrogé. Ah, hein. Et même cuisiné. 4 jours durant, les hommes de divers services britanniques essaient de lui tirer les vers du nez. Mais il se méfie. Bah, c'est normal. Popov pouvait être envoyé par les Allemands. Mais ce qui est quand même le cas. C'est tout le sel de cette histoire. En tout cas, les Britanniques se rendent compte que Popov est sincère. C'est important, parce que c'est une formidable recrue. Grâce à lui, les services secrets de Sa Majesté vont pouvoir intoxiquer les Allemands. Ouais, en leur livrant, via Popov, de fausses informations. Glisser quand même au milieu de vrais renseignements afin de les rendre crédibles, oui. Les services britanniques n'agiront pas autrement avec les espions allemands qu'ils pinceront sur leur territoire. Ouais, je me souviens de cette histoire. Ouais, ils vont leur mettre le marché en main. Ou bien, vous acceptez désormais de travailler avec nous et donc d'abuser vos employeurs. Ou vous serez immédiatement conduit devant un poteau d'exécution. Voilà. Autant vous dire que la plupart de ces espions ont accepté d'être retournés. Popov, lui, est mis à la disposition d'un organisme secret nommé Comité Double Cross, c'est-à-dire double jeu. Ses animateurs, Masterman et Robertson, ont pour mission de coordonner la manipulation des agents doubles et donc de tromper l'ennemi en l'intoxiquant par l'entremise de ses propres agents retournés ou s'étant placés de leur propre initiative au service des Britanniques. Oui, comme Popov, non. Par sympathie idéologique et conviction antifasciste. Ouais. Et quel a été alors le véritable apport de Popov à la cause anti-hitlérienne? Il a envoyé à son officier traitant de l'Abwehr, résidant à Lisbonne, quantité d'informations sur l'importance numérique de l'armée anglaise après Dunkerque. Mais c'est-à-dire après le désastreux rembarquement des troupes fuyant l'avance de la Wehrmacht. Hein. Mais naturellement, ces informations étaient truquées et elles étaient destinées à abuser le commandement allemand. Ce qui a été le cas ? Absolument. À Berlin, on était friand des messages que Popov envoyait à Lisbonne. L'agent yougoslave était même considéré par les chefs de l'Abwehr comme l'un de leurs meilleurs espions. Parallèlement, Popov, alias Tricycle, s'est introduit dans la vie mondaine londonienne où, fidèle à son image de playboy, il est rapidement devenu un acteur indispensable des soirées de la capitale. Ouais, la joyeuse vie. Très joyeuse, oui. D'autant que Popov dépense sans compter. Cet argent. Ah bah c'est celui qui lui a été donné par l'Abwehr pour recueillir des informations. Et comme il n'achète pas ces informations qui lui sont fournies par le comité de Bolcross, là. Bah il peut donc s'amuser avec de l'argent allemand. Ça doit être assez jouissif, non? Alors, certainement. Quoi qu'il en soit, si le travail de Popov est apprécié par les Allemands, il l'est aussi par les Anglais. C'est si vrai que Sir Stewart Menzies, le chef de l'intelligence service, l'invite même à passer un week-end avec lui à la campagne. Il estime, en effet, que les attaches de Popov avec l'Abwehr pourraient s'avérer très précieuses dans la perspective d'établir des liens avec les conspirateurs anti-hitlériens au sein du service secret allemand, y compris Canaris lui-même. Ouais. Popov est donc choyé. Mais sa situation va brutalement changer. Pourquoi ? D'abord parce que la Yougoslavie va être à son tour occupée par les nazis. Pour l'agent double, ça a une conséquence. Il ne pourra plus se livrer à des activités commerciales entre son pays et l'Ouest. Et c'est sa couverture qui est mise en cause. Alors. Ensuite, von Kerstorff, son officier traitant de Lisbonne, le convoque. Et après s'être assuré une nouvelle fois de sa loyauté au Reich, un test que Popov passe avec succès, il lui annonce que l'Abwehr envisage de l'envoyer aux États-Unis. Et pour quelle raison, là ? Bah, les Allemands viennent de connaître quelques déboires de l'autre côté de l'Atlantique. Leur réseau d'espionnage a été quasi démantelé par le FBI. Popov sera donc chargé d'organiser une nouvelle cellule opérationnelle d'agents allemands. Ouais. Mais comment justifier son voyage, là ? Les gens de l'Abwehr ont une idée toute simple. Après l'invasion nazie, le gouvernement yougoslave en exil s'est établi à Londres. Popov connaît forcément quelques-uns de ses ministres. Pourquoi ne leur proposerait-il pas d'être une sorte d'envoyé spécial aux États-Unis, une mission qui lui permettrait de rencontrer les immigrants yougoslaves? Peut-être d'en recruter certains. C'est en effet l'idée des Allemands. Et ça permettra aussi à Popov de s'introduire dans les cercles politiques de Washington. Seulement, avant de partir, Popov doit aussi obtenir l'agrément des Britanniques. Ouais. Qui devront donc, au moins momentanément, se passer des services éminents qu'il leur rend. Dilemme. Enfin, vite tranché. Ces chefs du comité Doublecross estiment que ces deux acolytes, Balloon et Gélatine, pourront poursuivre son action en Europe. Et surtout, ils se disent que si Popov réussissait à monter un réseau d'espions outre-Atlantique, comme le souhaitent les Allemands, ils pourraient s'en servir dès le début pour parfaire leur campagne d'intoxication. En outre, dans leur esprit, cette collaboration renforcerait les liens entre le FBI et les services de renseignement anglais. Des liens qui existent ? Bien entendu. Mais on va le voir dans la suite de cette histoire. Le chef du FBI, Edgar Hoover, est un personnage très susceptible qui n'aime pas beaucoup qu'on se mêle de ses affaires. D'autant plus qu'en cette année 1941, les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. Ils ne sont donc pas les alliés qu'ils deviendront. Oui, c'est sans doute pour cette raison que Popov, s'il veut bien nouer les relations avec des Américains, exige de demeurer sous la seule autorité des Britanniques, représentée là-bas par William Stephenson, chargé de la coordination de l'Intelligence Service avec le FBI. Le FBI qui est alors, il faut le préciser, le seul service secret aux États-Unis. Et Hoover est bien décidé à tout faire pour qu'il le reste. Ah, mais il lui faudra plus tard bien accepter la création de l'OSS. Oui, quand les Américains entreront en guerre. Popov se prépare donc à partir, nanti d'une grosse liasse de dollars donnée par l'Abwehr. Mais auparavant, il se rend à nouveau à Lisbonne en juin 1941. Il y rencontre d'abord son ami Jebsen. Assez mystérieusement, celui-ci lui parle longuement d'un fait d'armes de l'aviation anglaise. Quoi ? L'attaque éclair contre la marine italienne à Tarente dans la nuit du 11 au 12 novembre 1940. Une manœuvre qui a mis hors de combat la moitié de la flotte. Et pourquoi évoquer cette opération la vieille de 6 mois ? Parce que, dit Jebsen, les Japonais s'y intéressent beaucoup et ont même demandé à leurs alliés de leur fournir des détails sur cette attaque. Et Jebsen d'ajouter que ce qui s'est passé à Tarente pourrait servir de parfait modèle au cas où les Japonais s'en prendraient unilatéralement à la marine états-unienne du Pacifique. Or, toujours selon Jebsen, il ne fait aucun doute que les Japonais attaqueront avant la fin de l'année 41. Et pourquoi cette certitude-là ? Le président Roosevelt exige des Japonais qu'ils évacuent la Chine et l'Indochine. Et s'il n'obtient pas satisfaction, il décrétera un embargo sur le pétrole à destination du Japon. La marine nippone, ne disposant que de quelques mois de réserve de carburant, les Japonais seront presque forcés à agir. Ouais. Et j'imagine que Jebsen là, ne livre pas par hasard cette analyse à son ami Popov. Bien entendu, car peu après, l'agent double va bénéficier d'une autre information qui va lui ouvrir les yeux. Mr. Bond. James Bond. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Pour avoir une idée de l'estime dans laquelle les services britanniques tenaient leur agent Popov, voici ce qu'écrit Anthony Kev Brown, un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, auteur d'une monumentale histoire de la guerre secrète. Il fait état de l'opinion de Mastermind, le supérieur de Popov. Il laissa une impression très favorable au cours de son interrogatoire. Nous trouvions en lui un agent de haute qualité, capable de rencontrer des gens de tous milieux, très introduit auprès des Allemands, par ses rapports avec un fonctionnaire de l'Abwehr, Jebsen, et parfaitement couvert par son activité d'homme d'affaires pour justifier de fréquents voyages à Lisbonne ou en d'autres pays neutres. Avant de s'envoler vers les États-Unis, Popov reçoit les dernières consignes de son officier traitant, von Kartoff. Celui-ci l'informe d'une nouvelle méthode de communication entre espions seulement connus des services allemands, le micro-point. Ouais, un micro-point qui dissimule une micro-photographie. Oui, pas plus gros que le point qui chapeaute un i. Donc, pratiquement indécelable dans une lettre. Et l'Allemand remet à Popov un exemplaire de micro-point sur lequel figure un document très intéressant. Un questionnaire que l'espion devra remplir quand il sera aux États-Unis. À propos de quoi ? À propos d'Hawaï, et surtout de la base navale de Pearl Harbor. Popov doit fournir des détails sur la position exacte des dépôts de munitions et de pétrole, des hangars, des bases de sous-marins et des mouillages de navires. D'ailleurs, pour obtenir des informations fiables, l'Abwehr lui ordonne de se rendre à Hawaï le plus vite possible. Et là, Popov comprend aussitôt ? Bah, c'est non seulement une confirmation des informations fournies par Jebsen, mais c'est aussi une indication formelle. Les Japonais attaqueront à Pearl Harbor, car il ne fait nul doute que les renseignements remis à l'Abwehr seront ensuite destinés aux autorités militaires nippones. Ouais. Avant de partir pour l'Amérique, Popov livre-t-il cette information essentielle, hein, à ses employeurs britanniques ? Oui, oui, mais les Anglais ne les communiquent pas directement aux Américains. Ils préfèrent que Popov s'acquitte de cette tâche, ne serait-ce que pour établir d'emblée d'excellents rapports avec le FBI. Oui, parce qu'en somme, il arrive là-bas avec un formidable cadeau. Hein. L'information sur Pearl Harbor, mais aussi cette révélation sur la méthode du micro-point, une exclusivité des services allemands. Cependant, Popov va vite déchanter. Malgré le fait que sa venue a été annoncée par les services britanniques, il est accueilli assez fraîchement par l'agent du FBI, Charles Lehman, chargé de le cornaquer. Ensuite, bah, il s'aperçoit qu'il est étroitement surveillé par ce même FBI. On se méfie de lui. C'est évident. Et il le comprend assez vite. Quand il rencontre, par exemple, le chef du bureau new-yorkais du FBI, Foxworth, il se rend compte aussitôt que ce dernier doute de la véracité des informations sur Pearl Harbor. Oui, mais avec quels arguments, alors ? Bah, l'Américain lui dit que tout cela lui paraît trop beau, trop précis pour qu'on y croie. Bref, ça ressemble à un piège. En revanche, la révélation sur le micro-point est très appréciée. Tellement même que plus tard, après la guerre, Hoover attribuera à ses propres services la découverte du micro-point qui aurait été récupéré sur un espion allemand arrêté par le FBI à New York. Ouais, exit Popov. Exactement, comme s'il n'avait jamais existé. Malgré cette déception certaine, hein, que fait Popov ? En attendant un hypothétique rendez-vous avec Edgar Hoover, Popov voudrait bien remplir la mission qui lui a été assignée. C'est-à-dire monter ce réseau-là pour l'Abwehr. Réseau qui servira en réalité à l'intoxiquer. Mais les anges gardiens de Popov s'y opposent. Ouais, les anges gardiens du FBI, toujours la méfiance. Oui, oui, alors l'agent double en profite pour louer un superbe appartement, acheter un cabriolet dernier cri et prendre du bon temps. Ouais, ce qu'il sait faire à la perfection. Coup de chance. Ouais. Il retrouve à New York une ancienne maîtresse, la séduisante actrice française Simone Simon. Ensemble, ils fréquentent les boîtes de nuit en vue et mènent une joyeuse vie. Mais ça vaut à Popov une première admonestation. Et pour quelle raison ? Bah, son cornaque du FBI lui remontre que M. Hoover n'approuverait certainement pas sa conduite et son étalage de luxe. Réaction de l'espion ? Bah, il a de l'humour et se contente de sourire. Et pour prendre du champ, il envisage de se rendre à Hawaï, comme on le lui a demandé. Et pour ne pas attirer l'attention, il décide de se faire accompagner par une jolie femme. Oui, encore une maîtresse. Bien sûr. Mais le FBI lui refuse l'autorisation de se déplacer à Hawaï. Alors Popov choisit une autre destination ensoleillée, Miami. Il part donc pour la Floride avec sa petite copine du moment. Mais alors qu'il se trouve sur une plage, nouvelle déconvenue, deux agents du FBI se présentent. En franchissant la frontière d'un État avec une femme qui n'est pas son épouse et partage sa chambre d'hôtel, il a violé le Mann Act, une loi qui veille au respect des bonnes mœurs. Merci, Monsieur Hoover. C'est une forme de persécution, non ? Dans l'Amérique de 1941, on ne rigole pas avec la morale. Mais vous avez raison. Il y a aussi la volonté de la direction du FBI de lui créer le maximum de tracas. Pour obtenir son départ des États-Unis ? Ça me semble évident. Mais Popov n'est pas décidé à partir. Et ce qui l'horripile, c'est que l'attitude des Américains met en danger sa position d'agent de l'Abwehr. Car surveillé comme il l'est, et même espionné en permanence, il ne reçoit pas l'aide qu'il attendait pour envoyer à Lisbonne des renseignements crédibles. Et au milieu desquels il aura, comme d'habitude, glissé des éléments de désinformation. Et il est évident que sans le feu vert de Hoover, il ne pourra rien faire. Mais enfin, on lui annonce qu'il sera reçu par le patron du FBI. Toutefois, il doit attendre au moins 2 semaines, car Hoover est en vacances avec Clyde, son assistant. Et amant. Et vraisemblablement. Et Popoff a du mal à contenir sa colère. Mais enfin, la rencontre a lieu dans les bureaux de New York du FBI. On est alors fin septembre 41. Et il y a déjà 6 semaines que Popoff se trouve aux États-Unis. Et comment ça se passe alors? Mal, très mal. D'après la relation qu'en a faite Popoff, Hoover lui a fait comprendre qu'il n'a absolument rien à faire des révélations de l'agent double. Même les menaces là, qui pèsent sur Pearl Harbor. Oui, d'ailleurs, prétend Hoover, il y a longtemps que les Américains savent que Pearl Harbor pourrait être une cible. Pourtant, en décembre, l'attaque japonaise les prendra au dépourvu. Alors, de deux choses l'une, ou bien Hoover a menti, et ensuite omis d'informer le président Roosevelt, ou bien ce dernier a laissé faire en pensant que cette attaque comblerait son souhait de jeter les États-Unis dans la guerre. Quitte à sacrifier des centaines de vies humaines et une partie de la flotte du Pacifique. Hein. Mais au moins, matériellement, le désastre n'a pas été aussi important qu'on l'a prétendu. C'est un autre débat. Alors, revenons à Hoover et Popoff. Ce qui semble essentiellement préoccuper le patron du FBI, c'est le comportement immoral de l'agent européen. Pour lui, le Yougoslave n'est qu'une sorte de gitan ignare qui n'est venu aux États-Unis que pour courir les filles et boire. Ouais, une nouvelle illustration du racisme de Hoover. En effet. Ouais. Puis le patron du FBI accuse Popoff d'être comme tous les agents doubles. Vous venez mendier de l'information pour la vendre à vos amis allemands afin de gagner des masses d'argent et jouer au playboy. Popoff riposte ? Naturellement. Il n'est pas homme à se laisser insulter sans répondre. Alors, il insiste encore une fois sur l'importance des informations qu'il apporte et fait remarquer au passage que sa vie privée ne regarde que lui et que d'ailleurs elle fait aussi partie de sa couverture d'agent de l'abvers. Mais finalement, il est viré, comme un malpropre, sur un hurlement final de Hoover qui lui lance « Bon débat !» Et la suite alors ? Popoff demande à ses employeurs britanniques de s'interposer. Et il réussira à demeurer aux États-Unis jusqu'en octobre 1942. Mais à son retour en Europe, étant donné la minceur des informations qu'il a fait parvenir à son contact de l'abwehr, il a peur d'être démasqué. À plusieurs reprises, il craindra pour sa vie. Mais il réussira à regagner la confiance des Allemands et rendra encore de nombreux services aux Alliés. Mais si vous voulez, on en parlera une autre fois, car la carrière de Popoff est proprement stupéfiante. Un mot quand même avant de nous quitter, là. Popoff aurait-il pu inventer ce rendez-vous tumultueux avec Hoover ? Bon, c'est ce qu'on a prétendu plus tard dans les instances supérieures du FBI, mais moi, je suis sûr du contraire. Et dans cette mesure, Hoover, qui a toujours nié avoir rencontré Popoff, porte une lourde responsabilité dans l'affaire de Pearl Harbor. Dans le livre de mémoire de Popoff, récemment réédité par les éditions de la Rue sous le titre « Tricycle », figure la reproduction d'une note signée de la main d'Hoover accusant réception du micro-point et du questionnaire remis à Popoff au sujet de Pearl Harbor. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous. L'émission a été préparée comme d'habitude par Rebecca Denantre, réalisée par Michel Billou. Et tout de suite après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou.